Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. On rejoint Kiwan en cabale en Alberta pour parler de musique canadienne. Et moi et Mathieu, on fait nos connaisseurs d'été avec la connectique de cuisine. On va aussi résumer les actualités geek de la fin de semaine dans Cénix. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 13 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et on a une émission des plus bizarres. Décousues. C'est le mot parce qu'on va imiter des gens. Comparativement à la semaine passée où là, c'était chaotique, quoi, tellement c'était rempli. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis cette semaine, ça s'annonce plutôt tranquille. Oui, c'est la semaine pourtant avant la semaine de relâche ou quelque chose du genre, là, avant quelques semaines. Ouais, exactement. Bon, là, je peux pas aller voir le calendrier sur mon ordinateur. T'es-tu mis ça, moi, de sécure, cette affaire-là? Ouais, c'est même pas changé. Vous n'avez pas les droits requis pour modifier l'heure du système. Ça t'apprendra, espèce de petit charognard. Mais requis pour assemblage requis, j'imagine. Ah, probablement pour ça. Donc aujourd'hui à 7h15, on va avoir la présence de Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. C'est tout! C'est tout! Il va nous parler de musique canadienne. On va avoir deux formations à vous faire entendre, c'est-à-dire Odonis et Topanga, deux formations de Toronto. OK. J'ai très hâte d'entendre ça. Ensuite, à 8h, ben, on l'a dit, on va imiter Xavier Antoard. Toi et moi, on va s'improviser. Là. Connaisseur de thé, mais écoutez, appelez pas pour poser des questions parce qu'on pourra pas vous répondre. D'habitude, la raison que la chronique de thé dure très longtemps, c'est que François a tout plein de questions et moi aussi pour Xavier. C'est ça, mais là, non. Non. Il nous a envoyé par contre un petit peu de contenu, donc des choses pour la Saint-Valentin, des ensembles cadeaux à offrir pour la Saint-Valentin. Des thés aphrodisiaques? Oh, sûrement. Ouais. Sûrement. Il va te poser plein de questions. Merci. Ouais, c'est ça. Je vais faire mon possible. Hein. Donc ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, on a rien. Ouais, non, c'est ça. On n'a pas Nicolas Charme qui nous parlera pas de sport. Donc ça sera pas à 8h30. Est-ce que ça sera pas aujourd'hui? Ah, non. Non? Non, mais j'aurais aimé ça qu'ils viennent aujourd'hui parce qu'on aurait pu parler de Jacques Laporte, ici même des Patriotes. Ah. Qui, je sais pas si t'as entendu, non. Serait à sa dernière saison en tant qu'entraîneur. Ça serait une décision de l'administration de Paul Holliday. Mais là, en fait, je veux pas m'avancer non plus. Là. Je connais pas tous les détails, mais je pense que Nicolas était, en tout cas, bien informé. Donc, ça aurait été excellent. Écoute, on remettra ça la semaine prochaine. Et voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais. On peut pas faire grand-chose. Ben non. Aujourd'hui, donc, aussi dans l'émission, autour de tout ça, pour essayer de meubler un peu notre case horaire, on va voir la collègue Geek CLX. Là-dedans, on va parler, entre autres, des gens sur Twitter et Facebook qui prennent Oprah pour Whitney Houston. Ah ouais. Les gens peuvent pas faire la différence. Ils sont pas capables de faire la différence entre les deux. Hein? C'est quelque chose, quand même, hein? Et Google qui préparait une compétition à le Dropbox, tu sais, Dropbox pour mettre des fichiers online. Là. Ouais. Donc Google aurait un logiciel similaire à ça qui s'en viendrait. Et aussi, plus tard dans l'émission, on va avoir des demandes spéciales qu'on a reçues pendant la semaine passée. Mm-hmm. OK. Donc quand même, on va avoir du plaisir. Des au pluriel. Oui, oui. Ben oui. Okay. Deux. Mais des. C'est plus qu'un. Si tu veux être technique là, sur la sémantique, c'est plus qu'un. C'est plus qu'un. Alors, on débute l'émission avec Sago et sur son album Piano Mal, voici la pièce titre au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. C'est pas parce qu'on n'est pas super occupé qu'on va pas avoir du plaisir, vous et moi. Et nous. On va en avoir jusqu'à jeudi. Ah oui? Ouais. Qui est pas là aussi? Quand tu respires à la paille, fakir à tête de soleil, tes pieds de cuir me réveillent, de la braise entre mes dents, alors j'ai fait du café. de safran. Fais pleuvoir du sel d'ambre. Fais pleuvoir du sel d'ambre. Dans ses yeux, Liliane et Luther. Regarde ce chat transpiré et avalé la lumière. Hey Mathieu, je pense qu'on a eu rarement un début d'émission si slow, mais si bon. Ah, tellement! Ça fait extrêmement du bien, un beau bloc, je trouve. Grandiose. Ouais, on a bien mélangé ça. Et la dernière, d'ailleurs, c'était Dead Cab for Cutie avec la pièce Summer Skin. Mm-hmm. Excellente pièce. J'adore. Et on s'en a entendu Sago avec Piano Mal, la pièce de son plus récent album. En fait, son premier album, hein, ce membre de Carquois. On continue dans le... On va monter d'une coche un petit peu, mais pas trop. On y va mollo. C'est ça. À la fin, ça va être dans le tapis, là, mais... Étape par étape, ouais. À la fin, ça va crier, ça va arracher le tapis. Duchess, peut-être? Ah, peut-être. Donc, c'est Malajube qu'on s'en va entendre avec l'extrait Montréal moins 40. Est-ce que ça tente de partir ça juste là? Oui, donc. Moi, je te dis de même. Ça part-tu de même ou à moins 40? Il faut booster un peu? Ah, peut-être. Ben, est-ce que tu veux m'aider de bord à booster? Vas-y donc. Je sais pas comment on fait ça, mettons. On se prend de quel bord? Pogne-toi à gauche, ça. OK, à gauche, moi. Ouais. OK. Ça. Ouais. Tu sais. C'est ça. Ben là. Ben, elle part pas, c'est bizarre. Non, c'est ça. Je pense qu'il va falloir que tu m'aides un petit peu, là. OK, vas-y, vas-y. Je vais le faire en même temps. À gauche? OK, ouais. À gauche? OK. Un, deux, trois. Ring, ring, ring, ring, ring. Oh. Ça passe-tu? Oh, oui. Oh! Le... On l'a l'affaire. That's it. Très d'équipe, hein. C'est comme ces bois, c'est écrit levé à deux. Levé en équipe. Fragile. Ouais. Yeah. Tantale de Monogrenade, c'est la première fois qu'on l'entend ici à Assemblage Requis, la pièce titre de l'album Tantale. Ah oh ouais? Ouais. Tu nous dis ça comme ça. Là. Comme ça, lundi matin, hein? Ouais, 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Et tu penses que ça nous fera rien? C'est bizarre, Matt. Très bizarre. C'est un cadeau. Tu prends ça de même. Ouais. OK. Bon. Je le prends comme ça. Non, OK. Ben, prends ton sac, on s'en va dans le truck. Non. On s'en va en Alberta avec Kiwan en cavale. J'imagine que par « Oh non », François, tu voulais dire « Oh non, le chemin est tellement long pour se rendre jusqu'à Kiwan, j'ai devoir de le voir. » Oui, c'est ça, exactement. Non, mais je pensais que tu allais me réciter la pièce de Benoît Rochelot. Prends ton sac, on s'en va pas. Ouais, c'est... Kiwan, est-ce que tu connais Benoît Rochelot? Ben oui, je l'aime bien, moi, cette pièce-là. On dirait que vous avez l'air d'avoir... Non, c'est qu'on l'a beaucoup entendu. Ouais, c'est ça. Moi, je suis tenu. Ouais, c'est ça, après un bout. D'accord. Ça peut arriver à un moment donné de cette année d'une pièce. Donc, on ne s'aidera jamais de Kiwan, qui est en direct de l'Alberta pour nous parler de musique canadienne, comme à chaque semaine. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Kiwan? Ben oui, aujourd'hui, les gars, je vous parle de deux groupes de Toronto dans un son assez rock, un peu... les deux groupes qui ont des sons quand même assez différents. Je vais vous parler premièrement de Adonis, qui est un groupe, je dirais, électro-punk, avec un son assez new wave, un peu shoegaze. Wow. C'est un son qui va assurément plaire aux fans de Joy Division et puis surtout de tout ce qui a suivi là. C'est tous les groupes qui sont clairement associés là, qui sont clairement les descendants de Joy Division. Je pense entre autres à Little Girls, No Age, Vivian Girls, Beach Coast. Si vous aimez ce genre de son là, qui sont des bands qui sont récents mais qui ont vraiment un son un peu vieillot là à la Joy Division, vous allez aimer Adonis, c'est sûr et certain. Et ce groupe-là ont sorti leur premier album, ça fait quand même quelques mois. Déjà, c'était à l'automne l'année passée, en 2011. L'album s'appelait Holland Days, sauf que ils sont comme déjà la sauce, en plein de... Pardon? Comme la sauce? Ouais, ben ça s'écrit pas pareil, mais je sais pas juste à quoi ça fait référence. J'ai pas réussi à trouver rien sur leur site. Ça va être meilleur pour moi si j'imagine de la sauce. Parce que ça sera meilleur. Ouais. Ben, tu vois, c'est peut-être pas aussi... peut-être pas aussi doux là, dans l'oreille que la sauce hollandaise sur tes œufs bénédictines, Mathieu. Merci. Ça demande quand même un petit peu d'effort pour apprécier cette musique-là. D'accord. Mais quand même, si je compare, disons, avec par exemple Little Girls, c'est peut-être un petit peu plus... des sons un petit peu plus pop quand même, sans l'être vraiment, là. Et ce groupe-là, Adonis, qui ont lancé leur dernier album sur l'étiquette Daps Records, qui ont aussi sorti des... Pas le plus récent, mais ont déjà sorti des albums de Hooded Fang, que vous connaissez. Oui, ben oui. Et le réalisateur de l'album, John Drew, a aussi produit des albums dans le passé de Fucked Up, Tokyo Police Club, Winter Gloves et Arkells, qui sont sûrement quelques groupes que vous connaissez aussi. Ben oui. Donc voilà pour Adonis, on va entendre la pièce TikTok de leur album Holland Days. Et ils préparent, c'est ça, l'album est sorti quand même, ça fait pas si longtemps, là, c'est l'automne dernier, mais ils préparent déjà un prochain album qui devrait sortir au printemps 2012. Donc très bientôt. Parfait. Donc quand même très productif. Et l'autre groupe dont je vais vous parler, dans un son quand même assez différent, beaucoup plus catchy, un son typiquement indie rock. Le groupe s'appelle Topanga. C'est un groupe qui n'ont pas fait beaucoup de matériel, qui n'ont pas beaucoup d'albums. Ils ont un EP qui s'appelle Lionheart, qui est sorti l'année dernière aussi, sur lequel il y a seulement 4 pièces. Et je crois que c'est le seul enregistrement présentement qui existe de Topanga. C'est un groupe de Toronto aussi. Ils préparent eux aussi un prochain album qui s'en vient bientôt, en fait, qui va sortir cette semaine, le 15 février, très, très bientôt. Mais l'album va être seulement disponible en vinyle. Donc, okay. ça s'adresse à un public quand même spécifique pour ce qui est du format de leur musique. Mm-hmm. Et j'imagine que l'album devrait aussi être disponible en format numérique parce que, entre autres, je pense à leur album, leur EP Lionheart, qui est sorti l'année passée. Si vous allez sur différentes plateformes du groupe, sur Facebook ou sur Bandcamp, vous pouvez télécharger gratuitement les 4 pièces du EP. Donc, c'est ça. Voilà pour Topanga. Mais si je peux rajouter quelque chose sur... Excuse-moi, vas-y. Oui, vas-y. Vive le téléphone et les délais. Non, si je pouvais racheter quelque chose sur le groupe Topanga, c'est le nom d'une ville, Topanga, mais aussi le nom d'un personnage dans une série qui s'appelle Boy Meets World aux États-Unis. C'est une série pour adolescents qui était très, très, très grosse dans les années 90. Et c'était un prénom que personne n'avait vraiment jamais utilisé dans la vie. Donc, c'était comme super original de l'appeler Topanga. Donc, je me demande si le groupe s'est nommé Topanga en hommage au personnage, peut-être, à la ville. Parce que tu peux pas vraiment pas savoir quand t'es un groupe de musique... Tu tapes sur Google avec. Hein, c'est ça, ben, c'est ça. Ben, justement, si tu tapes Topanga en ce moment sur Internet, tu vas sûrement tomber plus sur le personnage que sur le groupe de musique. Comment t'écris ça? T-O-P-A-N-G-A. Oh. Voilà. Joué par Daniel Fischel. T'écoutais ça ou? Ouais, ben on vient de finir. Là, il nous reste 4 épisodes à regarder. Là. OK. Ouais. OK, fait que c'est tout récent, là. Ouais, c'est quoi? C'est 7 saisons, 8 saisons? En tout cas. Ouais. Grosse série. 6, en tout cas, bref, peu importe. Hey, Kiwan, toujours là? Oui, oui, toujours là. Non, mais ça serait intéressant de savoir si le groupe a sûrement pris son nom à partir de cette émission-là, parce que justement, c'est tellement spécial comme nom. Ils ne peuvent pas l'avoir inventé, puis ça a donné. Non. C'est exactement ce que je me dis. Voilà. Voilà, donc si vous aimez Topanga, dernière petite information avant de quitter, ils vont être le 2 mars prochain à l'ESCO. Ils ont, à Montréal, ils ont fait beaucoup de spectacles dans la dernière année avec Colorado. On va leur tournée canadienne avec Colorado. Il reste encore quelques spectacles à faire. Mais à Montréal, le 2 mars, ils vont être seuls à l'Esco Griff à Montréal. J'ai très hâte d'entendre ces deux groupes-là, comme toujours, Kiwan. Et tu m'as donné le goût d'entendre Colorado. Ah, aussi, hein? Oui. Tantôt, peut-être. On a du temps aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es le seul dans l'émission d'aujourd'hui, Kiwan. Tu devrais te sentir spécial. Wow! Tout le monde nous a choqué. Kiwan avait vraiment l'air ému comme « Wow! » Hein? Yeah! On va l'entendre donc Adonis Adonis avec la pièce TikTok suivie de Topanga avec Fogo Island. Merci, Kiwan. Hey, merci les gars, bonne semaine. On merci. Excusez, je vous annonce comme mais on s'en parle pas lundi prochain. Parce que c'est journée fériée ici, donc je vais être parti en voyage. Parfait. Bon, ben, où tu vas? Je vais en faire du ski au Montana. Oh, la vie est dure pour toi, hein? Ouais, on a quand même beaucoup de journées congés ici, de journées fériées que vous avez pas. On est quand même bien. C'est quoi le congé officiellement? C'est quoi son nom, tu sais pas? C'est la fête de la famille, en fait. Ah ouais? Oh. Okay. Le 3e lundi de février, fête de la famille. Oh, même, oui. Même si vous avez pas de famille, vous êtes quand même en congé. Ah, mais c'est cool, par exemple. Ouais, ben, bon. Ben, profite de ton congé, puis c'est ça. Ben, on s'en parle dans deux semaines. Tout à fait. Génial. Bye, Kiwan. Bye bye. Allez, les gars, bonne journée. Bye bye. De la bonne musique, ce Kiwan là, hein? J'adore ça pour vrai. Mmh. C'est vraiment très bon. Topanga avec la pièce Fogo Island, précédée de Adonis Adonis avec TikTok dans le bloc Kiwan en cavale de Kiwan en Alberta. On aime ça. Deux groupes de Torontois. Ouais, exactement. Et puis, il faisait bien de le remarquer, mais ça ressemble effectivement beaucoup à Colorado, je trouve. Oui. La voix de chanteur, là, c'est. On dirait que c'est le même. Eh ben. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais ça ressemble. C'est ça. Ça ressemble, ça semble. Hein? Okay. Bon. On prend une pause, on revient avec la chronique Geek Cynix. Restez là. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Ah oui, des blagues. Allez. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Le bouton play est à côté du bouton stop. Ouais. Donc, toujours assemblage requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Oui. Ben oui, vrai ça? C'est vrai. Bon, et là, on va parler de choses geek. Mm-hmm. Fait que mets tes... insère ton truc protège poche pour mettre tes stylos ici. Là. OK. L'affaire de... J'en ai pas de poche. T'as pas de poche? Non, j'ai pas de poche. Pas de paquet de cigarettes, là? Non, rien. Ça, on a regardé ton oreille, c'est ça? Les gens ont une cigarette en arrière de l'oreille d'un film. En tout cas, c'est Cinex. D'un film. Cinex, la chronique de la bibliothèque, la radio. On commence avec des nouvelles de Google. Il y en a plusieurs de suite, donc on va se les taper une après l'autre. Il y a une rumeur qui dit que Google serait en train de préparer une compétition à Dropbox. OK, donc, ça se peut voir bien. Hein? Oui, son service se porterait le nom de Google Drive et comme Dropbox, il permettra à ses utilisateurs de stocker sur le nuage, donc dans Internet, des données comme des photos, vidéos et documents. OK. Google serait sur le point de lancer un service de stockage qui rivaliserait directement avec l'une des entreprises les plus populaires de la Silicon Valley. Dropbox est un service qui fait fureur depuis quelques années et Google veut lui prendre une part de marché. Son service porterait le nom de Google Drive et là, ça répète vraiment beaucoup les mêmes choses. Je saute au prochain paragraphe. Depuis 2007, Dropbox offre une possibilité de stockage gratuit de 2 gigs. Par contre, si vous voulez plus d'espace, il y a plusieurs forfaits payants. Exactement. La rumeur ne dit pas pour l'instant si Google Drive sera complètement gratuit ou s'il va offrir des forfaits différents selon les besoins. Il semblerait que le service Google Drive serait très près d'être annoncé par le géant des services Internet en ligne. Il pourrait être disponible dans les prochaines semaines. L'article date de vendredi, donc on va suivre ça, évidemment. J'ai oublié de rappeler que c'était les nouvelles de la fin de semaine, donc il y a bien des choses qui sont passées depuis mercredi dans la journée. Donc, ça, on fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et dimanche. Là. Le dimanche, ça doit être plus tranquille, je pense. Pas mal tranquille, samedi aussi. Jour du sabbat. C'est ça, c'est surtout à cause du jour du sabbat. Mm-hmm. Vraiment. Si on en croit une rumeur apportée par le Wall Street Journal, Google plancherait aussi sur un projet de réseau domestique sans fil pour partager les documents numériques de tous nos appareils. La division Android serait à l'origine de ce nouveau produit. Après des années de travail, on le verrait arriver plus tard cette année, toujours selon la rumeur. L'audacieux projet inclurait même de l'équipement audio comme des haut-parleurs vendus directement sous la marque Google. Les adeptes des produits domestiques Sonos ou du service AirPlay de Apple auront reconnu un air de famille. Le principe est assez semblable selon les premières observations. Une diffusion par réseau sans fil domestique de tout le contenu numérique stocké dans des composantes qui sont branchées. Apple intègre les documents iTunes entre toutes ses plateformes et connaît un grand succès avec le module Apple TV qui fait office de console centrale intuitive dans un téléviseur. Après le succès mitigé de Google TV, qui peinait à peine à attirer les partenaires de contenu, Google a peut-être trouvé maintenant un digne remplaçant, surtout depuis l'arrivée de musique et de films sur le Android Market. Tous les experts rapportant la rumeur s'entendent pour dire que ce projet s'inscrit très bien dans la suite logique des produits Android portables et embarqués. Donc voilà, ça c'est un article de branchezvous.com. Système de partage de médias Google avec colonne de son. Moi, ça m'attire. Mm-hmm. J'en voudrais un, c'est certain. Tout de suite. Tout de suite. J'en veux un et tout de suite. Ce que je voudrais pas et que tu me diras si tu veux toi-même, c'est que Google offre 25$ contre vos habitudes de navigation. Le géant de la recherche offre au plus 25$ à quiconque est prêt à laisser tomber un peu de sa vie privée sur le web. C'est en douce que Google a lancé une invitation aux internautes à s'inscrire en expliquant qu'ils cherchent à comprendre comment les gens utilisent Internet. Les participants au projet Google ScreenWise devront installer une extension à leur furteur Google Chrome qui partagera avec Google les sites visités et la façon dont les internautes naviguent sur ceux-ci. En échange, Google donnera un certificat cadeau de 5$ à l'inscription, puis 5$ supplémentaires par trimestre de navigation avec l'extension jusqu'à concurrence de 25$. Ils disent que c'est leur façon de dire merci. Le géant de la recherche précise qu'Amazon n'est pas partenaire de cette promotion, parce que je crois que c'est des certificats cadeaux d'Amazon. Google a réagi à la découverte de ce projet par le site Search Engine Land en écrivant que, comme toutes les autres entreprises web et médiatiques, Google fait des recherches. L'entreprise californienne promet également de la transparence à ceux qui choisiront de participer au projet, que ce soit parce que c'est dans leur intérêt ou que le cadeau les attire. Les gens peuvent rester aussi longtemps qu'ils le veulent et quitter à tout moment. Donc, pour ta vie privée, en échange de ton âme, c'est un beau 25$. C'est joli. Non, non merci. Aux États-Unis, une entreprise en ligne avec un modèle d'affaires audacieux s'est fait confirmer par une cour fédérale de district qu'il est légal de mettre en vente nos fichiers MP3 usagés. Il est légal. Ouais, légal. L'industrie du disque tente par tous les moyens de faire interdire le site Redigi, R-E-D-I-G-I, qui propose à ses membres de remettre sur le marché des fichiers de musique achetés légalement en les offrant sur un marché aux puces géré par l'entreprise. Redigi prétend alors détenir une technologie assurant la légitimité du fichier et offrant l'assurance que les transactions ne contreviennent pas aux lois en vigueur. On peut donc y déposer nos vieilles tunes dans l'espoir de toucher 32 cents pour chaque chanson, pendant que les acheteurs paient 59 cents américaines pour nous en, pour nous en départir. Oh. Pas pire idée. Mais t'es garde quand même. Ça, c'est une bonne idée parce que je vois pas comment ils pourraient faire... C'est impossible si t'es là sur un autre disque dur. C'est ça, hein? Je sais pas. J'avoue que c'est très bizarre. Tu peux les vendre plusieurs fois. Plusieurs fois. L'Association américaine des producteurs de disques, la RIAA, a sonné l'alarme d'abord, mais EMI Capitol Records a logé une plainte formelle le mois dernier contre la jeune entreprise de Boston. Tout le débat repose sur la définition de la propriété d'une pièce musicale, même achetée légalement à l'origine. On a ainsi évoqué indirectement la doctrine du first sale qui dicte qu'un exemplaire physique d'une pièce musicale, par exemple un CD, peut être copié par son acheteur original sans problème, mais que toutes les copies doivent être détruites advenant la vente du CD original à un tiers. OK. Alors, puisqu'il n'existe toujours qu'une seule copie comportant le droit d'auteur, la vente ne pose pas de problème. Mais dans l'univers numérique, on l'a dit, une copie, ça peut se faire pas mal facilement. Le juge Richard Sullivan a tranché en faveur de l'innovation en notant que l'industrie du disque y voyait bien plus une compétition à ses propres ventes qu'une violation de ses droits de propriété. Le magistrat a conclu que de supplanter le marché d'un compétiteur est l'essence même de la libre entreprise. Ah ben. Maintenant, un GPS qui sait qui vous êtes, qui sait si vous êtes un bon conducteur et qui le dit à votre assureur. Ah ouais? Ouais, TomTom Business Solutions vient de lancer un nouveau GPS qui permet de reconnaître les comportements routiers sécuritaires. Le manufacturier allemand, en collaboration avec MotaQuote, un courtier d'assurance en Angleterre, a créé ce nouvel appareil pour FairPay, une assurance qui récompense les bons conducteurs par des primes d'assurance réduites. Je cite, « Nous avons renoncé aux segmentations et nous disons à nos clients, si vous pensez être un bon conducteur, nous allons non seulement vous croire, mais nous allons également vous faire profiter d'avantages financiers immédiatement. » Les conducteurs qui adhèrent à FairPay doivent payer pour le tout nouveau système de navigation TomTom Pro 3100 et bénéficient des services d'Active Driver Feedback et Live. Aucune idée ce que c'est. Ils sont donc alertés dès qu'un virage est trop serré ou un freinage trop brusque. Ah d'accord, c'est bien. Oh, ouais. Le nouveau produit permet ainsi aux utilisateurs de payer une prime d'assurance basée sur leur véritable comportement et non pas sur leur âge, leur domicile, leur sexe ou le type de véhicule qu'ils conduisent. C'est tout le temps des affaires comme ça. Bon, ouais. Est-ce que t'es un gars ou une fille? Est-ce que t'as tel âge ou tel âge? Ouais. Moi, je serais pour. Ouais. Si t'as rien à t'approcher, puis tu conduis bien. Non, non, c'est ça, exactement. La prime d'assurance, ça coûte quasiment rien, c'est bon. Non. Mais en même temps, il faut que tu l'aides tout le temps aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est. Pourquoi pas? Ouais. Si tu fais une affaire, puis que t'es. Tu fais un accident, puis tu l'as pas, j'imagine que tes assurances payent pas. J'imagine. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien. Le FBI divulgue son dossier sur Steve Jobs. Le cofondateur d'Apple, décédé en octobre dernier, aurait consommé de la drogue dans sa jeunesse, non. François. Et eut tendance à déformer la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le FBI a publié une enquête de 191 pages sur Steve Jobs sur son site web. Cette investigation qui a été menée au début des années 90, alors qu'il était pressenti par la première administration Bush pour occuper un poste au conseil présidentiel pour la promotion des exportations américaines. Je n'étais pas au courant. Okay. Le FBI s'est entretenu avec Jobs lui-même et avec des membres de son entourage personnel et professionnel. Le portrait qui en ressort est plutôt paradoxal. Deux proches le décrivent comme étant volontaire, assidu, travaillant et déterminé, croyant que ce sont les raisons de son succès, puis disent de lui qu'il est intègre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Plusieurs ont remis en question son sens de l'éthique et sa morale fluctuante, affirmant que c'est un individu trompeur qui déformait la réalité pour atteindre ses buts. Non, mais c'est ça, mais lui, son but, c'était d'atteindre ses buts. Voilà. Puis, coûte que coûte. Le succès était très important pour lui. Tout ce qu'il voulait faire, il s'arrangeait pour le faire. Ouais. Tout ce qu'il voulait, en tout cas, vous comprenez. Ouais. Il est peut-être moins surprenant d'apprendre que Jobs aurait consommé de la marijuana. Du hashish et du LSD à l'école secondaire et au collège. LSD? Comme la plupart des gens. Aussi, Jobs aurait longtemps négligé une fille née d'une relation hors mariage, mais lui serait venu en aide récemment. Ah, d'accord. On y apprend finalement que Jobs a été la cible d'une alerte à la bombe en 85. Aucun engin explosif n'avait été trouvé chez lui et dans les autres lieux mentionnés par un malfaiteur qui réclamait $1 million. Vous pouvez aller voir l'enquête complète sur assemblagerequis.com. Ou pas. Les fournisseurs Internet ne sont pas des radiodiffuseurs. Excellente nouvelle, la Cour suprême du Canada a rejeté une requête dont l'objet était de faire reconnaître les fournisseurs canadiens d'accès à Internet comme des radiodiffuseurs et d'ainsi les responsabilités davantage, notamment au plan du partage des revenus. Le plus haut tribunal en a décidé autrement et confirmé à l'unanimité la décision rendue par la Cour d'appel fédérale qui avait déterminé que la loi canadienne sur la radiodiffusion ne concernait pas les fournisseurs d'accès à Internet. Les fournisseurs d'accès à Internet pourront continuer à éviter toute réglementation et toute responsabilité quant aux contenus qui sont véhiculés dans leurs tuyaux. Leur participation à la lutte au piratage et leur participation financière à la création des contenus resteront à peu près nulles. Ils pourront continuer à ne contribuer en rien à la bonne santé de ces contenus, alors qu'on sait pertinemment que la richesse devra tôt ou tard être partagée, a réagi le directeur général de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada, la SODRAC. Les juges ont statué que ces entreprises se limitent à fournir un accès à la toile et ne sont pas engagées dans la création ou la sélection du contenu visionné par les internautes. Plusieurs organisations représentant des comédiens, des producteurs, des réalisateurs et des scénaristes plaident que les fournisseurs d'accès à Internet devraient contribuer financièrement aux productions canadiennes comme le font les distributeurs de signaux de télévision par câble ou par satellite. Mais tu sais, moi, la censure et le contrôle de l'information sur Internet, j'ai jamais vraiment été pour ça, mais en même temps, je peux comprendre que les créateurs de contenu veulent de l'argent, mais je sais pas. Ouais. C'est peut-être pas comme ça que ça devrait être fait. Je sais pas, hein. Tu sais, mettons, les chaînes de télévision, tu leur dois de l'argent, genre tout le monde leur envoie de l'argent, que tu la veuilles ou non, parce que comme ça, tout le monde paie pour le contenu, même des choses que tu veux pas payer le contenu de, tu sais, tu comprends? Non, c'est ça, mais je pense que les gens ont pas su s'adapter. Non. La venue d'Internet, et puis, tu sais, on trouve n'importe quoi, là. Mm-hmm. C'est ça. N'importe quand, n'importe où, n'importe... Ah, d'accord. Mais en même temps, c'est la liberté qui est un couteau à double tranche. Non, c'est ouais. Ça, c'est ça, exactement. Non, c'est pas que... J'ai rien dit, non. Ça va changer bientôt. Ça va changer. Bien. Ou ça va être la fin du monde. Oui, ben, c'est ça. En 2012. Il reste pas grand temps, là. Fait que, de toute façon... Stressez-vous pas avec ça. C'est ça. Moi, je trouve cette nouvelle-là très excellente. C'est la compagnie Double Fine qui a amassé $1 million sur Kickstarter en 24 heures. En l'espace d'une journée, le développeur de jeux vidéo Double Fine a éclipsé tous les records de plateforme de financement de la plateforme de financement Kickstarter et a récolté $1 million. Donc, Double Fine demandait aux adeptes de jeux d'aventure de financer un projet de studio de développement. Tim Schafer et son équipe espéraient amasser une somme supérieure à $400 000 d'ici un mois. Il leur a fallu à peine 8 heures à la collectivité pour dépasser cet objectif-là. Tout au long de la journée, les habitués de la blogosphère et de la twittosphère ont discuté abondamment de l'événement. La collectivité n'a cessé d'encourager le projet de Double Fine, si bien qu'à 18h45, la somme $2 million était amassée. C'est le premier projet à avoir amassé $1 million sur Kickstarter. C'est aussi le projet qui a reçu le plus d'appui individuel. Plus de 27 500 individus ont apporté leur support au projet. L'équipe de Double Fine est évidemment heureuse de la tournure des événements. Ils disent qu'ils vont ajouter plus d'affaires dedans, des effets spéciaux, plus de voix, de doublage. Donc, un plus gros budget pour ce jeu point and click. C'est un genre de clic-clic-clic pour avancer. Pas mon genre de jeu ben, hein. Ah, mais il y a bien des gens qui aiment ça. C'est un jeu à la un petit peu rétro, genre. Bref. Okay. C'est un j'imagine que ça doit être assez populaire si, écoute, si tout le monde sait... Ben, c'est le genre de jeu que les grosses compagnies de jeux vidéo en ce moment ont tendance à pas vouloir éditer parce qu'ils pensent que ça se vendra pas assez. Ouais. Mais le projet Kickstarter vient de montrer que les fans de ce genre de jeu-là... Aiment beaucoup ça. Aiment beaucoup, beaucoup ça. Mais ça c'est plus un jeu où tu le downloads. Comment, oui, tu le downloads, ouais. Oui. Pour y sur jouer sur ta console. C'est ça. Ben, je sais pas, oui, sûrement. Parce que, tu sais, les graphiques, c'est pas pesant, tu sais... C'est ça. Mais j'imagine principalement un jeu PC dans ce cas-là, je sais pas, mais c'est ce que je m'imagine. Bref, voilà pour ce jeu de Double Fine. Allons-y avec les nouveautés en magasin cette semaine. Après ça, on fera le petit tour du net. Donc, sur PC, on trouve Gotham City Imposters, qui est un shooter à la première personne de Monolith Productions et Warner Brothers. C'est aussi sur Xbox Live et PlayStation Network, ou encore le Sony Entertainment Network. Kingdoms of Amalur Reckoning, très très gros jeu de rôle, disponible aussi sur Xbox 360 et PC. Shank 2, un beat'em up, aussi sur Xbox Live Arcade et Sony Entertainment Network. The Darkness 2, qui est un shooter à la première personne de science-fiction, aussi sur Xbox et PS3. Cannon Fodder, un jeu de stratégie militaire en temps réel. Scorgasm, un shooter. Et Jagged Alliance Back in Action, un jeu de stratégie tour à tour. Là, tour à tour, là, chacun joue ça à son tour. Sur PlayStation 3, Jak and Daxter HD Collection. Ça, c'est la collection de jeux de plateforme sur PlayStation 2 et PlayStation 3 qui sont rassemblés en un seul package deal en haute définition. Sur PlayStation Network, oui. The Simpsons Arcade Game, c'est le port console d'un jeu d'arcade classique des Simpsons, un beat'em up. Sur Nintendo WiiWare, Burger Time World Tour. Il appelle ça un jeu de plateforme, mais c'est loin d'être un jeu de plateforme. Non. C'est celui où tu fais tomber des pains. Des burgers, là. C'est le fun, ça. Ouais, ben ouais. Sans plus. Ça passe du temps. C'est un petit passe, ça. Ça passe du temps. C'est comme Tetris. Tu capotes pas là-dessus comme un fou non plus, tu joues pas pendant des heures. Mais j'aime mieux Tetris. Ah ouais, pour vrai, j'aime bien Burger Time. Ouais? J'aime bien ça. Ouais. Il est sorti sur PS3 aussi plus longtemps. C'est quand même bien, quoi. Sur le Sony Entertainment. Ouais, c'est ça, faut-tu le télécharger. Sur Nintendo 3DS, Resident Evil Revelation, c'est celui qui avait la faute d'orthographe sur sa tranche. Ah oui, oui, qu'on a parlé Revelation la semaine dernière ou l'autre semaine. Il y a deux semaines. C'est un jeu d'action-aventure horreur. Et sur Nintendo DS, on trouve Jewel Link Mountains of Madness. C'est un puzzle. Ouais, un puzzle. Aucune idée quelle sorte de puzzle, mais quand même. Et sur DSiWare, le service en ligne de la Nintendo DSi, c'est 40-in-1 Explosive Megamix. Encore une fois, une compilation de puzzles des plus inintéressantes. Ça fait 29 parutions. T'aimes pas ça, non? Ça. Celui-là, un jeu de 40 en 1, là, ça veut dire que t'as botché 40 jeux et qu'il n'y en a pas un bon là-dedans. Hein? Ouais. D'habitude, là, c'est rare qu'il y ait des bons jeux dans des compilations comme ça. À moins que sur NES, dans le temps, je me rappelle, sur ma vieille Nintendo Entertainment System, il y avait les collections de 250 jeux. Il y en avait des bons là-dedans. Une fois que tu y cherches, par contre. Souvent des jeux... Ouais, sur l'eau, là, j'imagine. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix, mais bon. C'est plus un coup de chance. Il nous reste le petit tour du net à faire. Ça va être très rapide. Pour commencer, une page qui nous montre 20 personnes qui pensent que Oprah est Whitney Houston. Donc, les gens postaient hier sur Facebook, ou c'était quoi, samedi qui est décédé? Je sais pas exactement. Je t'avoue que moi... Samedi soir ou samedi après-midi. Mais bon, peu importe, là, on la respecte, même si on n'aime pas ce qu'elle fait, on la respecte en masse là-dedans. Mais les gens sur Facebook ne la respectaient pas vraiment parce qu'ils n'arrêtaient pas de poster la photo de Oprah Winfrey disant RIP Whitney Houston. C'est vrai? Ou encore l'autre gars qui répond, David De Renard, qui dit hey, coudon, Oprah est morte! Parce qu'il a vu à TV une dame noire, un peu enrobée peut-être. Oh, ben c'est Oprah. Bravo, hein, c'est superbe. À moins que soit, il y en a qui c'est peut-être humoristique. Là. Parce que j'ai quelqu'un sur Facebook qui disait « Ah, Whitney Hudson est morte. » C'est comme genre, c'est une blague. Là. Tu comprends que c'était pour niaiser. Mais bon, le nombre de... En fait, la quantité de sucre dans les aliments représentée par des cubes de sucre. OK, donc c'est une galerie photo. On te montre un Red Bull. À côté, on montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubes de sucre. C'est ça. Une banane, c'est 5 cubes de sucre. Okay. Un verre de Snapple, excuse-moi, une bouteille de Snapple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il aurait dû écrire le chiffre à côté aussi. Alors, on fait voir des pêches, une limonade Minute Maid, des fraises. Et là, on montre vraiment la comparaison. L'important de la chose, c'est la comparaison entre le vrai fruit, comme mettons une pêche, et du Snapple aux pêches. Okay? Ou encore du Capri Sun aux ananas et des ananas. Des ananas, t'en as 2,5. Dans un verre de Capri Sun, t'en as 4,5 cubes de sucre. Ça, on peut voir ça, si on se dirige sur assemblagerequipe.com. Évidemment. Site qui fonctionne bien aujourd'hui. Il fonctionne à merveille. Des carottes, c'est un petit bol de carottes, c'est 1 cube de sucre. Et des biscuits Chips Ahoy, c'est 3 cubes et demi. T'as pas droit du Snapple? Il y en a beaucoup. Donc, si tu bois du Snapple, c'est bien boire du Capri Sun parce qu'il y a beaucoup moins de sucre. Bref, vous pouvez vous faire une nouvelle diète en comparant plein de produits. De la vinaigrette, de la sauce à spaghetti, du Jello, des spéciales. Il y en a plein. Le ketchup, c'est un cube. C'est ça. Maintenant, la Saint-Valentin de la part de Rube Goldberg. Rube Goldberg, je ne sais pas si tu te rappelles de ce nom-là. C'est une personne en tant que telle. Mais c'est pas en ce moment, c'est plus ça. C'est ce qu'on appelle les... j'imagine, ouais, sûrement. C'est les appareils qui mènent vers une autre affaire. Mettons, tu as une boule qui descend sur une planche de bois qui va aller frapper sur quelque chose, qui va tourner, qui va frapper sur quelque chose d'autre. T'sais, c'est un effet de chaîne comme ça. Donc, c'est un petit vidéo qui a été faite pour la Saint-Valentin par des gens. Donc, on voit un petit couple entrer et les accrochent leur manteau et le manteau déclenche une balle. La balle va aller faire tourner un Spider-Man autour d'un petit barreau. C'est super cute jusqu'à la fin où ça verse des verres de vin. Et puis, c'est très joli. Je laisse aller voir ça jusqu'à la fin sur assemblagerequipe.com. Ensuite, ça j'aime vraiment ça, c'est des chansons a cappella, des chansons thème d'émissions de télé, mais version a cappella. Donc tu vas me dire si tu... je pense que tu vas les reconnaître par les paroles, mais je t'en fais entendre quelques-unes, mettons. C'est juste des extraits, pour le fond. Ça s'en vient. D'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, hein, s'il vous plaît. Ça va partir. Tum tum tum là! La la la la la! Ok, non. Je vais en partir une autre. Ah, ça, j'aime vraiment ça. Ok, je pense que je l'ai ici. Mais mon tati. Non? C'est Tortue Ninja. C'est bon? Ouais, T'aimes pas sa façon de chanter? C'est qu'on le voit en plus, tu sais, la mode des écrans séparés, on le voit faire chacun des tracks, des pistes. Ouais, c'est ça que j'aperçois du coin de l'œil. Gardi est tellement là. Ok, une dernière, parce qu'on va arrêter les vidéos parce que ça va pas bien. Non. Ah, c'est plate. Non, pas. Laisse donc faire. Ah, quand même. Mange la crotte, toi. Mange donc la crotte. Je vais vous parler des autres vidéos rapidement, comme ça, vous irez les voir vous-même. Le Gauntlet Challenge que j'ai vraiment aimé, c'est la vidéo d'un gars, OK? Il mange 15 bonbons surette Warhead, OK? Un après l'autre. Warhead, c'est quoi? C'est une marque qui sont extrêmes? Extrêmement surette, genre. C'est Warhead, là, ça te fonce dedans comme une base. Là. Deux cuillerées de cannelle. De la cannelle commence à faire mal à la bouche. Des Mentos, les menthes Mentos. Et un 2 litres de Coke Diet. Et il mange 6 poivrons habanero, les petits piments. Donc tout ça ensemble. Et un gallon de lait après ça. Ça ressort-tu? Je te laisse aller voir. Là, on compte en plus les petits piments habanero. Hein. Ça doit ressortir. Un peu. Ah, j'aimerais ça vous le montrer. Oh, c'est triste. Alors, allez voir ça, le Gauntlet Challenge sur assemblagerequis.com. Et évidemment, ben c'est ça. Ça fait un an exactement, ou presque, un jour ou deux. Je crois que c'était en date de vendredi. Non. En tout cas, que la vidéo Friday était sortie. Tu sais, Friday. Hein? Friday. Non. Je la ferai pas jouer parce qu'il n'y a rien qui marche. C'est ça, c'est l'anniversaire d'un an de ça. La grosse mode de Rebecca Black. Voilà pour notre très réussi tour du net. En ce lundi matin, on va se quitter avec du chiptune. On va l'entendre Weird Bananas et la pièce Surf Dog Millionaire. Et ça, je sais qu'elle va marcher parce qu'elle est juste là et elle est préparée. Parce qu'elle est bonne. Elle est bonne. Ça peut pas manquer, cette affaire. Ah. Dans le collègue CNX. Friday. Quand tu disais c'est bon, on aime ça, j'imagine que tu voulais pas parler de ce qu'il fait. Non, ouais. C'est sûr que non, écoute. Ah, c'est fini. C'est pas pour toi c'est que fini, je me sens bien. On vient d'entendre Weird Bananas et la pièce Surf Dog Millionaire. C'est du chip tout le monde dans la musique de style jeu vidéo. Et en passant, juste pour vous dire, une petite note bien rapide, là, deux nouveaux sites de chiptune que j'ai trouvé, en fait, sont pas nouveaux du tout, là, mais nouvelle place où je trouve du chiptune en ce moment. J'aime bien micromusic.net. Et mon préféré, là, de la pièce qu'on vient d'entendre, provient de là, c'est noisechannel.org. C'est une communauté de chiptune et un net label, donc une étiquette qui édite des disques de chiptune. Ah, bah ouais. Ça marche très bien pour eux. Ouais. Je suis pas tout seul, tu sais. Non. J'ai l'air à ça. Mais ça me surprend d'ailleurs que les gens achètent des CD. Non, mais le chiptune. Ouais, c'est pas nécessairement des CD, hein. C'est des MP3 en bundle. Qui les vendent. Ils les vendent. Ça se vend, tu sais. Ça se vend. Et quand je suis un incompris. Moi. Ouais. Alors. On prend une pause, on revient avec une petite chronique Tais-toi et cuisine avec nous deux. Pas de Xavier, on va. Non, pas de Xavier, on va essayer de faire ça. Short and sweet. Ouais, ça va être une belle deuxième heure, mais pour l'instant, on se quitte avec l'info campus qui s'en vient, je pense. Ouais. Restez là. Restez là. Ouais. On vient. On a ça l'info campus. Supposé. On va le trouver. Oh, on va trouver ça. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 13 février 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et oui! Oh oui, c'est Mathieu Plante. Dans le coin gauche. Arbre en avant, fièrement. Et un beau petit champignon. Un beau petit champignon. Ah, sur ton chandail. C'est mon chandail ironique, hein, ça dit « Life of the party ». Tu sais, je suis loin d'être « Life of the party ». En fait, je suis sûrement celui qui rend votre party plate si je suis là. Avec ça. Mais c'est un champignon de vie. Un champignon. De Mario. Ou est-ce que tu voulais dire que ça prenait des champignons pour faire le party? Ou c'est pour me rendre sur le party? Probablement. On va parler de thé dans quelques secondes, mais avant ça, on entre dans le corridor de Highlands. Voici Hallways. 89 FM, c'est fou. pièce Hallways de Islands sur leur album A Sleep and a Forgetting. A Sleep and a Forgetting. J'adore ça. Oui, vraiment, c'est j'adore ça. Ça a beaucoup de rythme. C'est sur le palmarès anglophone, mm-hmm. Donc c'est sûr que c'est bon. Voilà. C'est sûr que c'est bon. C'est sûr, hein? OK. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Sur un ou deux. Hey, tais-toi. Hein? Et cuisine. Il fallait chanter dessus, là, Xavier n'est pas là. Non, c'est vrai. C'est ça. Donc, Xavier Antoir, qui n'est pas avec nous en ce moment en studio, mais on va quand même faire du contenu de la Saint-Valentin qui nous a envoyé, lui, qui est donc gentil et généreux malgré son rhume. Donc, on va appeler ça, c'est petit cadeau à offrir à sa blonde ou à son chum pour la Saint-Valentin si celui-ci ou celle-ci aime le thé profondément. Exactement. C'est un bon nom, quand même. Ou désire amener cette personne-là à aimer le thé. Ça s'apprivoise. Ouais, c'est ça, exactement. Ce comme toi, avant ça, t'avais pas. Non, je trouvais pas tant que ça, mais là, j'aime bien ça et ça me fait un peu chier que ce soit pas là aujourd'hui. Parce qu'on aurait aimé ça en boire. Mais il y en a à la chasse galerie. Boire le thé. Ben oui, non, je sais. Il y en a chaque côté du Earl Grey, ouais. Du Orange Pickle. Oh. Donc, on va y aller tour pour tour, tout autour de et tout ça. Toi, Mathieu, tu nous parles d'une tasse de voyage. Oui, la tasse de voyage de Timolino qui peut contenir jusqu'à 12 onces de pur bonheur à haute température pendant des heures. Hermétique à souhait, fine et ergonomique, c'est la compagne ou le compagnon complet pour les voyageurs ou voyageuses maladroits ou maladroites. Avec son double couvercle pouvant accueillir jusqu'à 3 doses de thé de réserve, c'est un incontournable pour les journées longues. Déjà disponible en chrome et en noir, la Timolino sera bientôt disponible également en couleur corail. C'est quoi la couleur corail? Je sais pas. Corail. Et vert irlandais. Corail. Et vert irlandais. Corail, ça m'a l'air d'être un genre de rouge rose saumon. Ah, OK. On dirait. Tout ça pour 29,50 $. OK, ça c'est bien. Et je te parle aussi d'une tasse de voyage aussi de David. Oh. Et ça, c'est bizarre que ça soit moi qui en parle parce que c'est la tasse que j'ai eue en cadeau. Tout à fait. Juste avant Noël, là, Xavier nous a fait des petits cadeaux. Il est fin. Et puis, c'est ça exactement. On retrouve un piston et sa poignée doublée. C'est la tasse à avoir pour boire durant les trajets. Par contre, un petit bémol ici, ouais. C'est pas tout à fait hermétique. OK. En tout cas, la mienne, j'ai eu une surprise la première fois que je l'ai pris. Parce que je pensais sincèrement que, tu sais... Je t'allais pouvoir la virer à l'envers. Ben, un peu comme la tienne. Hein, ouais. Mais... La mienne, vraiment, sur mon portable. Non, c'est ça non. Exactement. Mais moi, en tout cas, ça dégoûtait un peu. Mais sinon, c'est très bien, en fait. Là, parce que ça bloque quand même relativement bien, là, tu sais, c'est sûr. Mais c'est fait pour rester debout dans ouais, un porte-vers. Ouais, c'est ça, exactement. Faut pas que tu fasses exprès. D'accord. C'est ça, et puis le thé a tout l'espace pour infuser avant d'être bloqué dans le fond de la tasse une fois pris. Et ça, c'est vrai, parce que t'as un petit... c'est fait en rond, en fait, toute la largeur là, de la tasse, et puis tu mets ton thé là-dedans, et ça, c'est très cool, par exemple. Ouais. Par contre, il s'infuse tout le temps. Tu sais, tu peux pas retirer la poche. OK, donc si ton thé va être de plus en plus peut-être amer, si, pour les thés qui deviennent amers quand ils sont là trop longtemps, j'imagine. C'est ça exactement. Ça, on aurait pu peut-être plus poser la question à Xavier, mais évidemment, Xavier n'est pas là. Mais je pense que, en fait, parce que tu peux pas l'enlever. Sinon, écoute, ça se disperse partout dans ça ton dégoûte, thé. Et il faut que tu transverses, en tout cas. D'accord. Voilà, c'est disponible déjà depuis 2 ans. La tasse de voyage de David a été reconçue en 2010 pour encore moins de feuilles qui passent lors de la dégustation avec un second filtre dans le couvercle. Donc, t'es sûr de ne pas avoir de bout de thé dans la bouche. Ça, c'est vrai. La tasse abrite d'ailleurs une réserve de thé de 4 doses accrochée à son socle. Et ça, c'est une excellente idée. C'est génial. Oui, c'est ça, exactement. Pour accueillir 5 doses supplémentaires lorsque la petite boîte interne est décrochée. Le thé est contenu directement dans la base de la tasse. Voilà, je sais qu'ils veulent amener d'autres couleurs. Là, okay. Je sais pas exactement lesquels. Et ça se détaille aussi à 29,50 $. Donc. Pas cher. Mélangé avec la tasse noble de voyage, élégance et simplicité, c'est ce qu'on dit de cette tasse. Bouteille en verre double paroi disponible en 2 formats de 12 et de 16 onces avec son bouchon en bambou. Donc vous versez de l'eau chaude pour conditionner la paroi avant de mettre l'eau pour l'infusion du thé pour avoir un thé à bonne température plus longtemps. Okay. C'est entre 29,50 $ et 34,50 $. Okay. Ça, c'est comme plus beau oui, que pratique. Ouais, c'est ça, en effet. Mais, ben, j'ai l'impression. Écoute, je sais pas, on la voit pas, là, mais tu sais, déjà, en verre, faut que tu fasses attention. Ouais. Ça doit être quand même du verre assez solide, là, mais échapper la pâte. Non. Pour ceux qui ont déjà tout leur matériel pour les dégustations, découvrez les thés qui font, qui vous transporteront sur des rivières torrides. Ouh. On commence avec. Et on sait que la Saint-Valentin, c'est demain, donc ben voilà. Vous avez encore une journée, là, peut-être acheter du thé qui vous rendra un super homme ou une super femme, là, disons-le. pendant le temps d'une soirée. Ça va faire des heureux, ça, ben oui, exact. Commençons avec le... oh, ben c'est souvent, hein, ceux qui ont leur date de naissance en, c'est quoi? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ceux qui ont leur date de naissance en novembre. Là. C'est pas mal là que ça se fait. Pas mal là. commençons avec l'élixir d'amour pour lui et pour elle. Deux mélanges somptueux qui feront de messieurs et mesdames des êtres désespérément irrésistibles. Oh. Tisane pour lui, thé noir pour elle. Ces élixirs sont offerts dans un flacon contenant 12 sachets individuels. Le flacon pour lui et le flacon pour elle sont offerts au prix de $12.50 le flacon. Et attention, effet non garanti à 100% dépendant de votre métabolisme. C'est un avertissement. OK. Donc, c'est pas sûr que ça fonctionne. Ça dépend de toi. OK. Et puis, il y a un amour de collection aussi qui offre 5 thés pour faire votre déclaration d'amour de manière non subtile. Docteur Chocolat, ça, c'est du oolong, caroube et cardamome. Thé d'amour numéro 7, c'est du thé noir, chocolat, fraise, rose. Mmh, ça doit être bon, ça. Oui, ça doit être bon. Ouais. Rayon de miel. J'ai essayé. C'est très bon, celui-là. Rayon de miel? Oui, ouais, c'est très bon. OK, mmh. Parfait. C'est maté, honey brush et myrte citronnée. Et ça goûte quoi? Ça goûte le miel? Oui, un petit peu, ben pas à outrance, là. Ça goûte okay. Un peu le miel. Ouais. Fantastique. Il y a amour menthe et poivrée. C'est de la menthe poivrée, évidemment, pure. Et baiser brûlant, ce qui est du thé vert, cannelle, chili et poivre. Oh, ça doit être assez, assez brûlant. Oui, c'est ça exactement. Et tous ces thés agiront tels des lucioles scintillantes à la nuit. Ah, wow. Des violons au clair de lune pour épater votre âme, sœur. C'est manquez... bien romantique. Ne manque à cela qu'un oui pour compléter ce compte de feu. $25.50, la boîte de 5 sachets de 25 grammes de thé. On peut faire environ une dizaine de tasses là, par mois. T'en as pour un bout avec ça. Ouais, c'est ça exactement. Pour les grands célibataires, l'ensemble thé en solo vous accompagnera lors de moments de solitude. Cette tasse chapeautée d'une théière sera un allié hors pair pour éviter la déprime. Parfait pour les thés blancs, verts et houlang, ne manquera que la bouilloire pour une soirée parfaite. Je me sens comme dans une infopub de Louis avec Louis-José Mondou. Ne manquera que le moment pour faire un joueur parfait. Faites infuser votre thé dans la théière de 7 onces et versez le thé une fois infusé. N'attendez pas d'avoir terminé votre tasse pour remplir de nouveau la théière d'eau pour la vider aussitôt qu'il ne reste plus une goutte de thé dans votre tasse. Disponible en noir, corail et bleu pâle, ces ensembles sont au coût de $19.50. Le numéro de produit est le 1-909-2 composé à 819-376-5183. Appelez-nous. On dirait vraiment boutique TVA. Mais voilà. Les liens sont sur déjà la page sur le site assemblagerequis.com. C'est là que j'ai mis les liens vers la tasse Timolino, la tasse de voyage de David, la tasse de voyage noble en verre, amour de collection et l'ensemble solo. Fantastique. Voilà. Donc non mais c'est des bonnes suggestions quand on sait que la Saint-Valentin approche à grands pas. D'ailleurs c'est demain. Si vous n'y avez pas pensé, toi, t'as-tu fait de quoi là? Ben, ça sent bien. Ouais. J'imagine, je sais pas. J'imagine qu'elle écoute, donc tu peux pas nous dire. Ouais, c'est ça, je sais pas. Il est 8h15. Ah, j'ai eu ça, ces affaires-là. Hein. Ça fait ben, ça fait s'est passé, puis là, c'est la Saint-Valentin. Ah, ah. Mm. Ouais. Mm. Toi? Écoute, faut que je te renvoie la balle, voyons. Ouais, c'est ça. Écoute, je suis pas un grand romantique. Moi non plus. On se le fait-tu dire, hein, en plus? Pas tant que ça. Oh, t'es pas romantique, là. Non? Tu sais pas dire ça? Ben, pas tant rien que ça. Bon. Chanceux. Ouais. Bon, ça, c'était peut-être pas très romantique de dire ça en ondes, mais bon. Non, écoute, on va se taire la prochaine fois, je pense. Ouais, je pense que ça serait mieux comme ça. On va retourner en musique. On va évidemment retrouver Xavier Antoar la semaine prochaine. Oui, exactement. J'espère bien. Hein? Nicolas Ducharme, d'ailleurs, aussi. Là, on devrait le retrouver 8h30 lundi prochain. On n'est pas super bon pour les remplacer, ça. Non, pas tant que ça. Fait qu'à un moment donné... Oui. Xavier est bel effort, par exemple. Hein? Oui, mais son texte est très bon. Oh, ouais, tout à fait. Mais c'est nous qui sommes pas super bons. Faut croire. Ben, écoute, on fait ce qu'on veut. Ben, c'est ça. On va l'entendre du Library Voices un peu, parce que là, à un moment donné, c'est assez bon, ça. Hein? On se gênera pas, là. Colorado après. Oui, Colorado après. Ça va faire un beau petit bloc qui fait très bien ensemble. Donc, voici Traveler's Digest de nos amis Library Voices au 89.1 FM. C'est fou. Now they toy with the

with no anatomy to walk. But soon the night was getting dirty, and I begged the Lord for mercy. He said, oh, so now you want to come. Telephone lines. We came down from the trees, singing and telling lies. Like you got to lose love if you want to find love. You got to lose love if you want to find love. And you got to lose love if you want to find love. And you got to lose love if you want. C'est bon, c'est bon, c'est ce matin. Un gros soleil qui sort en plus. En plus? En plus de ça. Passe à travers les rideaux, cette affaire-là. Got to lose, la pièce. Ouais. C'était la pièce. Ça n'a pas besoin de qualificatif, Thomas, c'est bon. C'était fantastique. Maintenant, avant de continuer avec The Cat Empire, entre autres, en musique, et la chronique, c'est un fait, on va... Hey, comment? C'est pas hey, vrai. C'est un cachet. Pas vrai. Là, juste une réaction, là. C'est ça, mais c'est là, le gars, de l'attention. On va faire les activités du campus. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, François? Exactement. Écoute, ça commence aujourd'hui. Évidemment, on va parler beaucoup d'amour, des conférences sur l'amour, ce truc-là, parce que c'est un peu la semaine là, dans l'année où on peut vraiment parler d'amour sans être gêné. Laissez-moi tranquille le reste de l'année. C'est ça, exactement. Et on parle d'une conférence qui a lieu ce soir au 11-02 du pavillon CIPP. C'est entre l'intérieur de Pâte et Papier, là, ici, là, en bas de la côte. Là. Oui. Pas super loin. Et ça se déroule à 19h et ça s'appelle L'amour et la connaissance. Donc, au coût de 10$, c'est une conférence grand public donnée par M. Jacques Sénécal. Une réflexion philosophique inspirée des avancées récentes de la science sur le phénomène amoureux. Quelles sont les sources du désir sexuel de Mathieu Plante et quels sont les rôles multiples de notre éducation, notre socialisation et notre imaginaire sur la relation amoureuse de Mathieu Plante. La philosophie, ne négligeant pas la portée concrète de ses connaissances, propose même des pratiques pour mieux vivre les vertus de l'amour dans la lucidité et le respect de Mathieu Plante. Pourquoi pas, ça devait être la Saint-Valentin. Donc voilà, vous pouvez d'ailleurs communiquer avec Mme Suzanne Forcier ou visiter le site web www.uqtr.ca/UTA. UTA. Donc, 10$ ce soir, 19h au CIPP. Parfait. Évidemment, il y a de la luître aussi ce soir. Mm-hmm. Ça se déroule de 20h à 22h à la Chasse-Galerie. À la Chasse-Galerie, c'est gratuit. Un match de la saison régulière de la ligne universitaire d'improvisation aura lieu donc aujourd'hui, le 13 février, à la Chasse-Galerie. Vous pouvez d'ailleurs visiter le site internet uqtr.ca/impro. Donc, on saute une couple d'activités. Qu'est-ce qui fait le succès d'un couple, Mathieu? Des chercheurs de l'UQTR y répondent et ça se déroule ça demain à la Journée internationale de l'amour qui est la Saint-Valentin. Ça se déroule à 19h. La journée donc, montée de toutes pièces pour c'est ça, exactement. Et c'est allé à la télévision. Grande surprise. Hein? C'est le cas de Chastenay à Télé-Québec. Ah. C'est Yvan Lucier, professeur spécialisé en psychologie du couple à l'UQTR ici. Il voulait savoir à quoi ressemblera le couple de demain. Son équipe a mené une étude sur 2500 jeunes de 16 à 20 ans dans le but de comprendre ce qui les motive à rester en couple. Un des résultats obtenus est surprenant. Donc voilà, demain à 19h à Télé-Québec. Et ça joue maintes et maintes fois à Télé-Québec. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'il y a une couple de reprises. Et sur Télé-Québec.tv, sûrement. C'est ça, exactement. Et puis, le lendemain de la Saint-Valentin, on est rendu mercredi, le 15 février. C'est une conférence sur l'éducation sexuelle. Ça se déroule de 9h à 11h à l'auditorium du pavillon d'enseignement du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières au 3080 rue Louis-Pasteur. Évidemment, c'est gratuit. C'est dans le cadre de la semaine de la santé affective et sexuelle. Madame Isabelle Bordua, qui vous en tiendra sur l'éducation sexuelle à enseigner à nos jeunes. Elle vous parlera du programme d'éducation sur la santé affective et sexuelle qui fait son chemin dans nos écoles secondaires. Donc, voilà. Ça se déroule le 15 février de 9h à 11h. Oui, et c'est gratuit à l'auditorium du pavillon d'enseignement du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières au 3080 rue Louis-Pasteur. La même chose, mercredi le 15 février, il y a un 5 à 7 étudiants pour la jeune chambre de commerce. Ça peut être intéressant pour se faire des contacts. Évidemment, si à la Chasse-Galerie, c'est gratuit. Je pense qu'il faut réserver, par exemple. Vous pouvez d'ailleurs contacter la personne ressource au 819-372-1411 ou envoyer un courriel à... Tu sais, des fois, un courriel, c'est moins gênant un peu. Plus facile à retenir. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, t'es pas obligé d'appeler dans les heures d'ouverture. Ben oui. C'est info à commercial jccm.qc.ca. jccm.qc.ca. Jeune chambre de commerce de la Mauricie. Simple. .qc.ca. Donc voilà, ça fait un peu le tour. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Parfait, ça. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci François. Ça fait plaisir Mathieu. Tu restes avec nous. Bonne semaine de la Saint-Valentin. Ah que oui, semaine de la santé affective et de l'amour et des... Sexuel. Des chats, c'est ça. Donc on va écouter The Cat Empire avec Waiting, puis après ça on revient avec la chronique C'est un fait. Restez là, cet assemblage requis jusqu'à 9h. This is the last time I will follow you. This is the last time I Après la pause, la chronique C'est un fait à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. Avec François-Louis Marchand et Mathieu Plante, il nous reste encore une vingtaine de minutes et on va se remplir cette dernière partie d'émission-là avec, entre autres, des demandes spéciales tantôt. Et des succès monstres! Non, pas de succès? Pas des de succès ce matin? Pas sûr que ça va être des succès monstres. Là. Non. Succès relatif. On a créé un monstre, on aurait pu entendre ça. Ouais. On aurait pu, mais je sais pas. On va commencer par C'est un fait, OK? Une chose à la fois. OK. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables à Assemblage Requis. Et on commence en parlant de sang. Saviez-vous que si vous avez le type sanguin O, okay, vous allez attirer plus de moustiques? Ah ouais? Oui. Après des années de recherche, le docteur Yoshikazu Shirai a déterminé que les moustiques aiment plus... Les mosquitos? Les mosquitos. Il y a une bonne chanson avec ça. Ben, les mosquitos, les mosquitos. Donc, les types O, voilà. La recherche montre aussi que les hommes sont plus susceptibles de se faire mordre par les moustiques qui sont surtout attirés par le type sanguin et par la température. Une autre étude montre que les moustiques aiment mieux le sang des gens qui boivent de la bière que les gens qui boivent de l'eau. Après avoir exposé les insectes à l'odeur corporelle d'un corps qui boit de l'eau et un corps qui boit de la bière, les insectes étaient plus attirés par l'haleine et par la peau de ceux qui boivent de la bière. Ouais, c'est sûr, c'est comme... C'est plus sucré, j'imagine. Probablement. Plus sucré. De l'orge là-dedans, c'est ça? Ouais, c'est bleu. Toute la patate. Ah, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu veux manger moins de collation dans la vie? Non. Non, t'as pas eu jamais de problème avec ça, genre trop manger de sucre de collation? Non, ça va bien à ce niveau-là. Moi, tu vois, j'ai un problème avec ça. On me dit que si tu changes la main avec laquelle tu manges tes collations, tu vas en manger moins. C'est une étude psychologique de l'Université de la Californie du Sud, ou du Sud de la Californie, voilà. A découvert que les changements subtils dans les circonstances dans laquelle vous mangez, va affecter le nombre de choses que vous allez manger. Donc, pour prouver que les gens ne mangent que par habitude, ils ont fait une étude où ils ont donné aux gens du popcorn, genre du maïs soufflé, mais pas chaud, tu sais, genre juste température pièce qui est là depuis un long temps. Mm-hmm. Donc, les gens qui mangent régulièrement du popcorn au cinéma avaient plus de chances de manger le popcorn comme ça, à température pièce, que ceux qui n'en mangent pas d'habitude au cinéma. D'accord? Une autre chose intéressante qu'ils ont appris... Pas sûr de comprendre. Les gens qui mangent du popcorn au cinéma, ouais, vont avoir plus envie de manger le popcorn, même s'il est plus bon, dans le fond. S'il est juste c'est sûr, au prix que tu payes. Non, mais juste quand ils vont au cinéma d'habitude dans leur vie, là, on les a pris dans l'étude, ils n'étaient pas au cinéma. Là. Ah, OK, l'étude, OK. Dans une place, il y avait du popcorn laissé à température pièce. Okay. Ceux qui en mangent au cinéma d'habitude vont avoir tendance à en manger parce que c'est l'habitude. OK. Bon, même s'ils n'ont pas faim. Donc, autre chose intéressante, c'est quand les gens changeaient de main avec lesquelles ils mangeaient, donc ils partaient de leur main dominante pour aller à leur main non dominante, quand ils mangeaient avec leur main non dominante, ils mangeaient moins de collation. Ah. OK. Donc, les gens qui mangeaient du popcorn avec leur main non dominante avaient moins de chances d'en manger que ceux qui le mangeaient avec leur main dominante. Bon, bref, c'est compliqué, mais si t'es ambidextre, évidemment... Pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes. Ou plus de problèmes. Ou plus de problèmes, ouais, effectivement. Pendant la Grande Dépression, c'est comme ça qu'on appelle ça la Grande Dépression? Il y avait des bandes dessinées populaires pornographiques qui s'appelaient les Tijuana Bibles. OK. Les Tijuana Bibles étaient des bandes dessinées pornographiques underground fabriquées entre les années 20 et les années 60. Underground. Comme nous autres, assez fous, là. Underground. Donc, entre les années 20 et les années 60, leur popularité était pendant le sommet de la Grande Dépression. Entre 1920 et 1960, il y a eu entre 700 et 1000 histoires originales qui ont circulé dans l'underground. C'est des bandes dessinées de grosseur portefeuille. Donc, ils avaient 8 panneaux et duraient 8 pages, dans le fond, de long. Les auteurs étaient des artistes inconnus et c'était pas toujours les mêmes artistes. Voilà. Donc, ça montrait plusieurs personnalités publiques de l'époque sans leur permission et ça utilisait des stéréotypes ethniques. C'était distribué dans les garages, dans les écoles, chez les barbiers et d'autres endroits comme ça, underground. Eh bien. Il y a un musée qui est dédié à l'art laid. OK. L'art affreux. Donc, c'est le Museum of Bad Art, le MOBA, le MOBA, qui contient environ 500 œuvres d'art tellement laides qu'on ne peut les ignorer. À n'importe quel moment, il va y avoir entre 25 et 35 des œuvres d'art qui vont être disponibles pour être regardées comme ça. Le musée est un musée privé. Donc, en fond, c'est un propriétaire privé qui l'a. Il y a deux branches de ce musée-là dans le Massachusetts. Ça a débuté, ça, lorsque Scott Wilson a retrouvé comme ça une œuvre d'art affreuse dans son garage, a commencé à les collectionner. Il a commencé à montrer cette collection-là aux gens. Et c'est devenu tellement populaire qu'ils ont dû trouver une place permanente pour les afficher. Même que le MoBA, le Museum of Bad Art, est mentionné dans plusieurs guides touristiques de Boston. On dit une douzaine de guides touristiques, dont c'est connu. Il y a une police de caractère qui a été créée pour les gens qui ont de la dyslexie, qui sont dyslexiques. OK. Parce que tu sais, ça aide beaucoup. Ouais. Parce que tu sais que les gens qui sont dyslexiques vont voir des images miroirs, vont mélanger leurs lettres. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, les M, les N, ça se ressemble. Les W, les V, les H et les N. Donc, les lettres qui ont des caractéristiques similaires, ils les mélangent. Ils vont même les tourner de bord dans leur tête. Donc, pour réussir à taper correctement et mieux lire en ligne, il y a un logiciel qui a été développé pour agrandir ou épaissir le bas des lettres pour qu'elles soient plus faciles à lire. Parce que là, c'est comme l'indice mnémonique, si on veut, pour s'en souvenir. C'est que si le bas de la lettre est plus épais, la gravité l'amène vers le bas. Tu comprends? Dans ton cerveau, la gravité de la lettre est vers le bas. Ah, c'est pas bête. Très intelligent. Ouais. Ils vont aussi agrandir l'espace. Mettons un C. Les deux pattes du C vont souvent être très, très proches dans les polices. Donc, on va faire une police où ça va vraiment être juste comme un U sur le côté. Okay. Là, c'est genre, mais avec le bas, qui est, encore une fois, avec la gravité, plus épais en bas. On va aussi ajouter de l'italique pour distinguer certaines lettres comme le J, le L. T'sais, le J et le L se ressemblent beaucoup, donc il va y avoir des italiques pour essayer de compenser pour ça. On va aussi rendre la ponctuation plus grasse pour séparer les choses, donc les points, les virgules, etc. Mieux les voir. Exact, je trouve que l'idée est vraiment parfaite. Vous pouvez aller voir une vidéo qui vous explique vraiment comment les lettres ont été repensées sur assemblagerequis.com. Je trouve ça fascinant. Et ça fonctionne bien? Apparemment. Apparemment. Apparemment. Il y a une ville enterrée en dessous de la Californie. Ah ouais. Et c'est pas une ville antique, le genre qui était enterré avec le temps. Non. C'est les restants d'un gros plateau de film qui a dépassé son budget. Un film de Cecil B. DeMille de 1923. Les 10 commandements. Pas les 10 commandements qu'on connaît, là, mais les 10 commandements. Un autre film, The Ten Commandments. DeMille a fait enterrer ce plateau-là après avoir filmé dans un désert, dans le désert de la Californie, près de Guadeloupe, en Californie. Donc, DeMille a fait un film plus long avec le même nom et la même histoire en 1956, mettant en vedette Charlton Heston dans le rôle de Moïse, qu'on connaît encore aujourd'hui, ce film-là. Cette ville a été déterrée en 1983 par le cinéaste Peter Brosnan. Donc voilà, il y avait une version originale de The Ten Commandments qui avait dépassé son budget et qui, j'imagine, n'ont pas pu terminer le film. Je sais pas trop quoi. Donc en 1923, c'est pour ça que c'était enterré en dessous de la Californie. L'Europe a des discos silencieuses où tu écoutes de la musique avec tes écouteurs. Peut-être que c'est quelque chose de très connu, mais moi, j'en avais pas encore entendu parler, donc je vous en parle. Il y a des lois en Europe qui font que les clubs doivent arrêter de jouer de la musique forte après telle heure. Donc, les propriétaires de clubs ont créé les discos silencieuses où les clubbers écoutent de la musique via des écouteurs à la place d'utiliser un système de haut-parleurs. Certains propriétaires de clubs ont même acheté des écouteurs sans fil pour divertir les clubbers. Ouais. La musique est diffusée via la bande FM, donc comme une station de radio, directement dans les écouteurs des gens. On appelle ça les discos silencieuses. Et le style ce style de clubbing-là est tellement populaire que c'est utilisé pour des festivals de musique aussi. Et les gens vont même, dans le fond, les DJ vont faire des genres de battles dans les écouteurs du monde. Deux DJ qui vont compétitionner pour leurs auditeurs, si on veut. Voilà. Oubliez pourquoi tu es rentré dans une pièce. C'est en partie causé par la façon qu'on perçoit les cadres de porte selon une recherche. Okay. Hein? Donc, les chercheurs de l'université de Notre Dame, l'université de Notre Dame, ont conduit une expérience. Ils ont découvert que les cadres de porte changent comment on gère nos souvenirs, notre mémoire. Donc, ils ont séparé les gens en deux groupes qui ont marché pendant sur la même distance. Bon. Un groupe est passé à travers un cadre de porte, dans le fond, et l'autre groupe, non. Ceux qui ont passé dans le cadre de porte avaient trois fois plus de chances d'oublier leur tâche. Ce qu'ils avaient à accomplir, à faire. Donc, les chercheurs croient que c'est parce que les cadres de porte sont des frontières d'événements et que les décisions qui sont prises dans une pièce vont avec cette pièce-là exactement. T'as tout compris. Donc, on dit que t'as plus de chances de l'oublier si tu passes d'une pièce à une autre. Donc, ils disent que si tu veux te rappeler de tout, ben, il faut un loft. Hein? Non? C'est bizarre. C'est bizarre un peu comme ça, je trouve. Ce qu'on appelle le chairman, je sais pas comment tu traduis ça en français, là, mais peut-être le genre le président du conseil d'administration, quelque chose de genre. Ouais. De Samsung, il était tellement fâché contre ses employés qu'il a fait brûler 50 millions de dollars de produits devant les employés. Donc, ça date, ça date de 1996. Il est fou? Ben oui, il est fou. À de Gomi, en Corée du Sud. Oui, une ville qui s'appelle Gomi. Gomi Bear. Les petites gommiettes. Donc, c'est là que qu'une des plus grandes usines de production de Samsung est située. Dans les années 90, Samsung était surtout connu pour ses unités d'air conditionné. Et ses télévisions. Par contre, son chairman, Kun-hee Lee, avait les plus grandes aspirations pour la compagnie. La première transformation de Samsung était de fabriquer des téléphones cellulaires. Et le chairman de Samsung en a envoyé comme cadeau de Nouvel An en 1995 à tout plein de gens. Et après ça, il a entendu dire que les téléphones cellulaires qu'il avait envoyés en cadeau ne fonctionnaient pas. Donc, Lee a visité l'usine à Gomi et a forcé ses 2000 employés à porter un bandeau sur leur tête qui disait « la qualité en premier, la qualité d'abord, quality first ». Après ça, il les a amenés dans la cour arrière de l'usine où leur inventaire complet était situé, environ 50 millions de dollars d'inventaire, avec une bannière qui disait en gros « la qualité est ma fierté ». Il a mis en feu tout l'inventaire de la compagnie et les a forcés à regarder ça pour leur apprendre une leçon. On pourrait dire que ça a fonctionné. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs. On dit que Samsung est maintenant une des plus grandes technologies de compagnie dans le monde. Mais quand même, hein, 50 millions de dollars d'inventaire brûlé. Mais ça marchait pas. Non. Tu sais, quand même. Et finalement, on dit que les chirurgiens font moins d'erreurs s'ils sont des joueurs de jeux vidéo. Okay. Donc la prochaine fois que vous allez passer sous le bistouri, le couteau, demandez à votre chirurgien s'il est bon à Call of Duty. Hein? Donc, l'étude montre que les chirurgiens qui jouent à des jeux vidéo fréquemment font moins d'erreurs sur la table d'opération. Quand les docteurs avaient joué pendant au moins 3 heures aux jeux vidéo avant, ils faisaient 37% moins d'erreurs pendant leur chirurgie et ils opéraient 27% plus rapidement que ceux qui ne le faisaient pas. Plusieurs disent qu'ils utilisent, dans le fond, que les jeux vidéo utilisent la même coordination, c'est ça. Donc, entre les mains et les yeux. And eye coordination, comment t'appelles ça? Ah, les gars, vous comprenez ce que je veux dire, la coordination? Ouais. Qu'ils utilisent donc pour leur chirurgie que pour jouer à la PlayStation, mettons, par exemple. Le docteur James Rosser pratique sa coordination main-œil en jouant à Super Monkey Ball, qui est un jeu vidéo populaire où on fait rouler des boules, des balles dans des trous. Tu connais Super Monkey Ball? Tu prends ta manette de Wii, il faut que... C'est super dur, ce jeu-là, sérieux. Non. Tu es obligé de ta manette comme ça, de gauche à droite, de haut en bas, pour faire... chavirer la planche de jeu et tu contrôles un petit singe qui est dans une balle et il faut que tu ailles l'emmener dans un trou. Dans un trou. À travers des obstacles. Ça a tombé. C'est dur, là. Je capote avec ce jeu-là. Je capote, c'est bien trop dur. Donc, il dit que jouer à un jeu simple comme celui-là, ça l'aide à s'améliorer pendant les chirurgies. Voilà. Bien. C'est une bonne idée, quand même, je trouve. C'est la dextérité qui pratique. Dextérité, je pense. C'est pas mal ça le mot que je cherchais. Bravo, François. Ça m'a dit que tu l'aurais dit avant. Je t'allais demandé, tu me l'as pas dit non plus. Ben, écoute. Je t'ai demandé. Coordination. Coordination. Ah, regarde. Donc, voilà pour le bloc, c'est un fait. Moi, en tout cas, je trouve que c'était pas pire. C'était pas pire. L'affaire des cartes de porte, là, par contre, pas sûr. Pas sûr de ça. Ouais. Ah, bien. Hey, François, on a encore quelques petites minutes. On y va très, très rapidement. Parce qu'on avait dit au début de l'émission qu'on aurait des demandes spéciales. Parfait. Donc, c'était deux fois. Si deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux. Le concept, c'est de le faire une fois. On a quelques demandes spéciales d'un auditeur, comme on a une fois de temps en temps comme ça. Aujourd'hui, notre auditeur particulier, spécial, notre David. Ami, c'est David. David! Le gars des promos. Le gars des promos, on le salue. Il nous a demandé de jouer deux pièces de Björk aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire. On les écoute à l'instant parce qu'on a très peu de temps. Donc, on y va en musique. On écoutera Crystalline tantôt, mon débute avec It's Oh So Quiet. De Björk au 89 FM. Vous êtes à Assemblage requis pour encore même pas 6-7 minutes à peu près, mettons. Okay. Deux tunes. Deux chansons, c'est à peu près ce qu'il y a là-dedans. À peine. It's oh so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you find. Caving in. Wow! You never

Je pensais avoir menti en disant qu'on finirait intense. T'sais, en début d'émission, on avait dit qu'on progresserait. Je pensais qu'avec Björk, ça finirait calme, non? C'est le cas. On a réussi. Mm-hmm. Bravo. Belle tâche accomplie. David, notre gars des promos, qui nous a fait cette demande spéciale. En fait, c'est deux demandes spéciales pour le bloc qui était deux fois. On a entendu Björk avec Crystalline. On a débuté avec It's Oh So Quiet. Et si vous avez des demandes spéciales, vous pouvez toujours les faire par Assemblage Requis via Facebook. Oui. Hein? La page Assemblage Requis, bien sûr, sur Facebook. Et sur assemblagerequis.com aussi, il y a un formulaire de contact là-dessus. Donc, toutes les façons sont bonnes pour nous contacter et nous faire vos demandes spéciales. Voilà. Exactement. C'est tout pour ce bloc. Il était deux fois et c'est en même temps tout pour cette édition d'Assemblage Requis. On va se retrouver demain matin entre 7h et 9h. À l'émission demain, on aura Stéphanie Gagné à 7h30 avec sa chronique Ton plat favori. Et ensuite, à 8h30, on aura la présence de Sébastien Dulude pour son éditorial. Bon voyage, j'y suis. Formidable. Ouais, restez sur nos ondes. À 11h, sera le dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. À 13h, Jasmine Raymond Réville et moi-même serons là pour les Palmarès C'est fou. À 16h, les Ladies du Boudoir avec leur musique émergente. À 17h, les Liens douteux de tout au lien. À 18h, La Sécheuse. Et à 19h, Le Voyage insolite avec culture rock, littérature et cinéma fantastique. On termine la soirée avec Simon Fitzbé et son émission thématique musicale Catalepsie. Ça commence à 20h. Allez voir sur CIF.ca pour la programmation et sur assemblagerequis.com pour les liens et les notes de l'émission et puis les balado-diffusions. Tout y est. Merci François. Merci Mathieu. Merci à Kiwan en Calval en Alberta. Merci à Xavier Antoine pour le texte de sa chronique Tais-toi et cuisine. On se quitte, comme je le disais tout à l'heure, avec là, on va y aller à Intense pour vrai. Ah ouais? Intense quand même avec du Dutch 16. On écoute leur extrait Narcisse. On se quitte là-dessus. Passez une excellente journée. Bye! Bye François. Bye. Salut Mathieu. Bye. Adam. Est-ce qu'on se crie les oreilles? Non. On ne fait pas ça, nous autres. C'est vrai. C'est romantique. Demain, c'est la Saint-Valentin, donc... Exactement. Il faut se traiter correctement. Équitablement. Soyons équitables. Soyons compères.com. Bonne journée.